dire que dalle. Une jeunesse sans idéal. Que faire que dire que dalle. Une jeunesse sans idéal. Je vois rouge.